elle les avait déjà. Tu vois, tu dois en avoir un, je t'en avais filé un, il me semble. Ah bah ça se peut, bah ouais, là elle en a refilé trois. D'ailleurs, je savais pas, mais c'est Mathieu Morin qui s'occupe de la mise en page. Ah ouais. Bah j'ignorais, moi. Ouais, depuis... bah c'est la première fois qu'il fait ça, enfin qu'il fait pas la première fois qu'il fait ça, mais pour les cahiers, ouais, c'est la première fois. Ouais. Bah puis il a l'air de bien bosser, hein, Olivia, elle est allée... Moi j'ai pas vu, ouais, j'étais pas à la réunion, je sais pas. Et il a fait des mises en page sympas, ouais. Qui ça?